À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, ont eu lieu les séminaires à la compagnie des navires Adita Aria Pravira et à la compagnie Patra Buana d'Indonésie, une séance de film à la compagnie Integra Mulyu de Thaïlande et un spectacle artistique commémoratif à Hanoï, Vietnam. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes.